Que vous disais-je déjà, prince? Ah oui, que si le général Yepanchin offre ce soir à ma place des perles à Anastasia Philippovna, c'est parce que nous avons conclu un pacte tacite, le général et moi. Quel pacte, je vous prie? J'épouse Nastasia Philippovna et le général en fait sa maîtresse. Pourquoi me regardez-vous avec des yeux ronds? Cela vous étonne? Vous avez du mal à croire que le général Yepanchin ait pu s'éprendre de Nastasia Philippovna? Lui qui a un âge vénérable, un esprit lucide, une grande expérience de la vie? Eh bien, tout cela n'a pas empêché notre général de tomber amoureux de Nastasia Philippovna, à tel point que son désir pour cette femme s'est vite transformé en une véritable passion. Permettez, Gabriel Ardalionovitch. Non, prince, je ne permets rien. Je continue mon récit, et pour votre plus grand bien, vous vous en rendrez compte tout à l'heure. Les perles à peine achetées, je ne sais quelle méchante langue a appris la chose à Elisabeth Prokofievna, épouse du général, et lui a dit à qui était destiné ce royal cadeau. Que tout cela est navrant, que tout cela est peu propre. En effet, prince. Remarquez bien que la générale, depuis longtemps, n'ignorait rien de l'inconstance de son mari et commençait même à s'y habituer. Mais cette fois, elle a trouvé que le général avait dépassé les bornes. Si cela ne vous fait rien, Gabriel Ardalionitch, arrêtez-vous là. Le général a deviné les sentiments qui agitaient sa bonne épouse. Et, craignant une pénible explication, il a décidé de ne pas déjeuner chez lui aujourd'hui. De grâce, ne poursuivez plus. Car le général désire ardemment que le jour de l'anniversaire de Nastasia Philippovna se passe sans incident. Mais ne vous impatientez pas, prince, je reviens à vous. Vous tombez donc très à propos. C'est Dieu qui me l'envoie, a dû se dire le général en vous voyant arriver. Voilà l'explication de sa sollicitude envers vous. Voilà la raison de sa hâte à vous présenter à Elisabeth Prokofievna. Il espère, en vous exhibant, écarter l'orage de sa tête. Cesse de jouer, Alexandra. Tu peux bien avoir quelques égards pour ton père, il me semble. J'ai tous les égards possibles pour vous, papa, n'en doutez pas. Seulement, j'ai envie de terminer cette sonate. Elle est merveilleuse. Eh bien, tu la termineras quand je serai parti. Pour le moment, ferme ton piano. Laisse-moi expliquer la chose à ta mère. Que veux-tu m'expliquer au juge, Yvan? Oui, je pense qu'il faudra peut-être que tu le vois sans trop tarder. Tu ne prétends tout de même pas m'obliger à le recevoir sur le champ? Non, non, bien sûr. Cependant, comme tu ne peux pas fermer ta porte au dernier des princes Mishkin, plus vite ce sera fait, mieux ça vaudra. J'ai toujours été très fière de mes origines, je l'avoue. Et je ne demande pas mieux que d'offrir l'hospitalité à un Mishkin. Je dis à un Mishkin, mon ami. Mais oui. Oui. Or, tel que tu m'as dit, ce monsieur, un simple d'esprit, démuni de tout, j'ai du mal à reconnaître en lui un prince Mishkin. Évidemment, tu as du mal à reconnaître en lui un prince Mishkin. Oui, je plaide coupable, Elisabeth. J'ai exagéré. Le prince Mishkin n'est pas vraiment un faible d'esprit. Il est seulement naïf, il manque de savoir-faire. Mais par ailleurs, il est d'un commerce très facile. Peu importe qu'il soit vêtu d'une façon bizarre, à la manière allemande, ou qu'il ait des accès de je ne sais quelle maladie. Parce qu'il a des accès de maladie? Et quelle maladie? Rassure-toi, ils ne sont pas très fréquents. Mmh. Et le prince, d'ailleurs, est doux comme un agneau. Mmh. A-t-il une bonne éducation, au moins? Excellent. Il est également très instruit. Tu peux l'interroger sur un tas de choses, tu verras. L'interroger? Mais oui, parfaitement. Après tout, ça m'est égal que tu le reçoives ou non. Moi, je comptais l'accueillir chez nous, lui venir en aide, accomplir une bonne action, en somme. Mais si tu prends les choses de cette façon-là, je m'en lave les mains. Bon, je vais lui dire qu'il est indésirable dans cette maison. Un point, c'est tout, voilà. Une minute, Yvan, je te prie. Où l'as-tu laissé? Dans l'antichambre. Ah, tu as laissé un prince Mishkin dans l'antichambre. Mais comment as-tu osé faire une chose pareille, Yvan? As-tu oublié que je suis née Mishkin? Une telle irrévérence envers ma famille méritait un châtiment. J'y penserai. Pour le moment, va le chercher. Bon, Et excuse-toi de l'avoir fait attendre. Mais dépêche-toi donc. Mais je me dépêche, Elisabeth. Merci, maman. Vous avez raison de recevoir ce monsieur. Nous n'avons pas tellement de distractions. Je t'en prie, Alexandra. Et d'abord, commence par fermer ce piano. C'est bien. Ne vous emportez pas pour si peu, maman. Oh, comme je m'ennuie entre ces quatre murs. Entre, Yvan, entre. Et présente-nous vite le prince. Voilà le dernier des princes Mishkin, Elisabeth. Et peut-être ton parent. N'est-il pas charmant? Alexandra, sonne Fédor ou Marfa. On va servir le déjeuner, mon cher prince. Faites-nous l'honneur d'accepter notre modeste repas. Hein? Je suis sûr, Elisabeth, que tu feras tout ton possible pour mettre notre hôte à son aise, pour rompre la glace. Il est si timide. Et toi, Alexandra, n'étourdis pas le prince de ton bavardage. Hein? Quant à moi, je dois vous abandonner. Oui, veuillez me pardonner, je n'ai plus une minute. Le ministre m'attend. Le ministre t'attend? Je sais quel ministre tu vas rejoindre. Prends garde, Yvan. Mais oui, parfaitement, je vais retrouver le ministre. Il m'attend depuis une heure déjà. Allons, adieu mes chéris. Au revoir, mon cher prince, au revoir. J'espère vous avoir été de quelque utilité. Ah oui, vous oubliez, donne donc ton album au prince, Alexandra, qu'il écrive dedans. C'est un vrai calligraphe, tu verras, un talent très rare. Tout à l'heure, dans mon bureau, il a magnifiquement imité l'écriture de l'igoumène Pafnuti. Mais je bavarde, je suis terriblement en retard. Encore une fois, adieu mes chéris, à bientôt, mon cher prince. T'en va la cruche à l'eau, qu'à la fin elle se casse. Je te prouverai la justesse de ce vieux proverbe, Yvan. Et pas plus tard que ce soir. Maman, je vous en prie, nous avons un hôte. Oui, en effet, Alexandra, en effet. Mais ton père abuse. Asseyez-vous, prince, dans ce fauteuil, près de la fenêtre, pour que je puisse vous voir. Très bien. Et maintenant, prince, dites-moi qui était l'igoumène Pafnuti, dont vous avez si bien imité l'écriture. L'igoumène Pafnuti? Il était supérieur d'un ermitage situé sur la Volga. Il vécut au XIVe siècle. Ah! Et qu'a-t-il fait pour qu'on se souvienne encore de lui? Et bien, si nous nous mettions à table, maman? Eh bien, soit, nous allons passer dans la salle à manger. Avez-vous faim, prince? Oui, Elisabeth Prokofievna, j'ai très faim et je vous suis reconnaissant de votre attention. Mais vous êtes polie et je constate que vous n'êtes pas aussi original que le général a bien voulu le dire. Levez-vous, prince, et donnez-moi le bras. Avez-vous déjà conduit une dame à table? C'était L'Idiot, un feuilleton de Georges Govy inspiré de Dostoïevski. Avec Pierre Vanek, Pierre Noël, André Florence, avec Pierre Bertin et Gaby Morlaix. Musique d'Edgar Cosma. Production réalisée dans les studios de la RTF à Nice par Yves Dariet, avec la collaboration de Jacques-Élie Moreau et le concours de la troupe dramatique régionale.